pas peur d'être celle qui fait des étincelles, étincelles qui t'a déçue. Sans elle, tu seras la plus belle. Moi, je roule sans gêne, j'égrène des graines de mots autour du cou. À mon tour de taille, je tourne la tête à tout ce qui s'en mêle. Belle comme état, même si Peggy n'est plus là, elle a Nina, tout comme moi. Je veux pas être une madone qu'on enferme dans l'oubli. Je veux qu'on me chante comme fredonne jusqu'à l'insomnie. Ils seront tous à mes pieds, la tête tour à tour noyée. Je veux pas qu'on m'enterre sur terre avec mes étoiles, j'espère. Belle comme état, même si Peggy n'est plus là, elle a Nina, tout comme moi. Comme toi.